بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours, c'est le cours 21 dans l'explication du livre Al-Wajibat Al-Mutahattimat Al-Ma'rifa ala kulli muslimin wa muslima, et c'est avec les commentaires du Cheikh Ahmad Al-Najmi rahimahullah ta'ala. Donc on est dans toujours dans le même chapitre que la semaine passée à propos du thème dont on parlait à propos de Tarut et la signification du Tarut, ainsi que les têtes, les différentes têtes ou les sortes de têtes du Tarut. Et on a lu le texte de base et maintenant on est arrivé à l'explication avec les commentaires de Cheikh Ahmad Al-Najmi sur ce sujet. Et donc, on va en parler avec la clarification de certaines shubuhat dont on a parlé la dernière fois à ce sujet-là. C'est donc un sujet très important aujourd'hui. Et le Cheikh, il dit, « قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله اعلم رحمك الله تعالى أن أول ما فرض الله على ابن آدم الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، والدليل قوله تعالى لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أقول في هذه الآية رقم 36 من سورة النحل ثلاث فوائد، وهي كما يلي: الفائدة الأولى أن الله أخبرنا أنه بعث في كل أمة رسولا، أي ما خلت أمة إلا وبعث منها رسول، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله. أخرجه أحمد والترمذي من حديث معاوية ابن حيدة رضي الله عنه وحسنه الألباني رحمه الله في المشكاه. وعلى هذا فإن الله قد بعث في كل أمة رسولا يدعوهم إلى عبادته وحده ويقيم عليهم الحجة. الفائدة الثانية قوله أن يعبدوا الله، أي أرسل في كل أمة رسولا يقول اعبدوا الله، أي وحدوه بعبادتكم ولا تعبدوا معه أحدا سواه. والفائدة الثالثة قوله واجتنبوا الطاغوت، أي أنه ما من رسول أرسل إلا وهو يأمر أمته بعبادة الله وحده واجتناب الطاغوت، أي تركه واعتقاد بطلانه. وقوله وأما صفة الكفر بالطاغوت. Donc on va traduire jusqu'ici, après on va continuer inshallah. Et donc ici le Cheikh Ahmad Al-Najmi rahimahullah, il explique premièrement les propos de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Il dit que Allah Azza wa Jal, il dit sache que Allah Azza wa Jal te fasse miséricorde, que la première chose qui a été rendue obligatoire au fils d'Adam, c'est le fait de renier le Tarut et d'avoir la foi en Allah. Donc, al-kufr bi Tarut, le fait de renier le Tarut, et al-iman billah, c'est-à-dire d'avoir la foi en Allah Azza wa Jal. Et la preuve à ce sujet, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal lorsqu'il dit dans le verset 36 dans Surat al-Nahl, nous avons certes suscité dans chaque nation un messager leur disant adorez Allah seul et écartez-vous du Tarut. Et donc le Cheikh Ahmad al-Najmi, il dit ici dans ce verset, dans Surat al-Nahl, le verset 36, il y a trois points bénéfiques à mentionner. Il dit premièrement, le premier point bénéfique, c'est que Allah Azza wa Jal nous informe dans ce verset qu'il a envoyé à chaque nation un messager. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une nation, excepté qu'un messager leur a été envoyé, et qu'ils ont reçu un messager. Et le prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a mentionné dans un hadith qui est un hadith authentique, qui est Hassan, dans lequel il dit, vous êtes, vous suivez 70 ummah, vous venez à la suite de 70 ummah, et vous êtes la meilleure d'entre elles et la plus noble pour Allah. Et donc, si on se base là-dessus, on comprend que Allah Azzawajal, il n'y a pas une nation excepté qu'il leur a envoyé un messager qui les appelait à l'adoration d'Allah seul et qui est venu dans le but d'établir sur eux la preuve, d'établir contre eux la preuve. Et le point bénéfique numéro 2, c'est le fait que Allah Azzawajal, il dit dans ce verset, Ani'budullah. Donc la chose que les messagers est venu dire à chaque nation, ou que le messager qu'Allah a envoyé à chaque nation est venu pour dire, adorez Allah seul. C'est-à-dire que chaque messager qui a été envoyé à une nation, eh bien, le messager qui leur a été ordonné de dire à cette nation ou à ce peuple, adorez Allah seul. C'est-à-dire, unifiez-le par votre adoration et n'adorez rien et ni personne avec lui ou en dehors de lui. Et le troisième point, ou le point numéro 3, par rapport au point bénéfique qu'on peut tirer de ce verset-là, c'est que Allah Azzawajal, quand il dit Wajtanibu Tarut, qu'est-ce que ça signifie? Écartez-vous du Tarut, c'est-à-dire que il n'y a pas un messager qui a été envoyé par Allah Azzawajal parmi les messagers, excepté qu'il a ordonné à sa nation ou à son peuple d'adorer Allah seul et de s'écarter du Tarut. C'est-à-dire d'abandonner le Tarut et de croire que le Tarut est batil, est faux. Et il dit, donc ici, le cheikh il explique que en ce qui concerne la façon dont le tarhut doit être renié, comment on doit faire le kufr bit tarhut, eh bien c'est de croire que tout ce qui est adoré en dehors d'Allah est faux. De croire que tout ce qui est adoré en dehors d'Allah est faux et de délaisser ce qui est adoré en dehors d'Allah et de détester ce qui est adoré en dehors d'Allah. Et de déclarer ceux qui adorent quelque chose en dehors d'Allah comme étant des koufars, de faire leur takfir, faire le takfir des adorateurs d'idoles ou d'adorateurs de toutes choses en dehors d'Allah et de prendre ces gens-là en animosité, d'avoir de l'animosité envers eux à cause de l'idolâtrie et de la mécréance qu'ils font. Donc ça clarifie un point ici important et j'avais fait allusion à ça justement plus tôt dans le livre lorsqu'on a parlé, on était rendu à la page 42 à ce moment-là, quand on expliquait les fondements de la religion et les règles de la religion. Et j'avais expliqué la différence entre le verbe kafara, qui est un verbe lazim, j'avais expliqué que c'est un verbe lazim, et kaffara, qui est un verbe qui est en arabe mutaaddi. Mutaaddi. Donc, j'avais mentionné l'exemple à ce sujet-là, même je l'avais posté sur Twitter à ce moment-là, lorsque je l'avais expliqué. L'explication de ça, c'est par rapport au verbe qui est transitif et le verbe qui est intransitif. Et qu'est-ce que ça implique? Ça implique que parfois on entend de la part des ignorants, de certains parmi les ignorants, et certains takfiriyin, certains parmi les khawarij, qui parfois pensent que al-kufr bi taghut, ça implique de faire le takfir des dirigeants. Et c'est-à-dire qu'ils pensent que Yani, lorsque tu dois renier le tarot, premièrement, ils interprètent le tarot comme étant seulement le dirigeant et rien d'autre. Et ça, c'est une erreur parce qu'on a déjà expliqué les différentes catégories de tarot. Et deuxièmement, ils croient que pour que quelqu'un soit musulman et pour que son islam soit affirmé, il doit avoir renié le tarot dans le sens que pour eux, ça veut dire déclarer le dirigeant mécréant. Et que si quelqu'un ne déclare pas le dirigeant musulman mécréant, hein, parce qu'il fait des péchés ou bien parce qu'il juge parfois par autre que la loi d'Allah, eh bien, il considère que et celui qui n'a pas déclaré ce dirigeant-là mécréant ou qui n'a pas fait son takfir, qu'il est lui-même un kafir. Parce que celui qui, hein, comme il se base sur le fait que dans Nawaqid de l'islam, il y a un annulatif de l'islam qui dit celui qui ne déclare pas mécréant, celui qui est mécréant, il est mécréant lui-même. D'accord? Et on a expliqué déjà dans les Nawaqid, les catégories de personnes qui rentrent dans cet annulatif-là. Et quand est-ce que ça ne s'applique pas? Donc, on a déjà clarifié cette chose-là. Et donc, par rapport à la question justement de faire le takfir du Tarout, eh bien, il est important de comprendre que le fait que un dirigeant, par exemple, juge par autre que la loi d'Allah, eh bien, ça ne veut pas nécessairement dire que il est kafir. Et on a expliqué que ça peut être un kouf majeur parfois et un kouf mineur. Et ça, on va le clarifier encore. Et deuxièmement, c'est que Yanni, tu dois faire le kofr, hein, déclarer que ce qui est adoré en dehors d'Allah est faux. Et c'est ça que le cheikh a expliqué ici, que ce que signifie al-kofr bit-tawhid, c'est-à-dire de croire que ce qui est adoré en dehors d'Allah est faux, non pas de déclarer la personne ou la chose en question comme étant kafir. D'accord? Ça, c'est une chose très importante. Et c'est la différence entre al-kufr bit-tarut wa takfir tarut. Takfir qui vient du verbe à l'origine qui est kaffara et kufrun qui vient du verbe kafara qui est une forme qui est intransitive. À la kulli hal, on va expliquer de toute façon lorsqu'on va arriver à cette partie-là des exemples plus clairs à ce sujet. طيب. Donc le cheikh il dit وقوله وأما معنى الإيمان بالله فأن تعتقد أن الله هو الإله المعبود بالحق وحده دون سواه وتخلص جميع أنواع العبادة كلها لله وحده لا شريك له وتنفيها عن كل معبود سواه غيره وتحب أهل الإخلاص وتواليهم وتبغض أهل الشرك وتعاديهم ولربما قال قائل إذا عبدت الله وكفرت بالطاغوت فكيف يكلفني ربي أن أبغض أهل الشرك وأعاديهم الجواب أن هو أن بغض أهل الشرك ومعاداتهم فرض على المسلم ومواده اهل التوحيد ومحبتهم وموالاتهم ايضا فرض لقوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم اولئك كتب في قلوبهم الايمان فهذه الايه صارفه وصريحه في انه لا يحب المشركين لا يحب المشركين ويواليهم إلا من ضعف إيمانه وقل نصيبه منه أما أهل الإيمان الحقيقي فإنهم يبغضون أهل الشرك ويعادونهم وهذه ملة إبراهيم عليه السلام التي لا يرغب عنها إلا من سفه نفسه قال الله عز وجل ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين اللهم اجعلنا ممن اصطفيتهم اللهم اجعلنا ممن تصطفيهم يا رب وتصطفيهم بالإيمان بك ومحبتك وبغض كل مألوه سواك وبغض كل من يعبد غيرك وبغض كل من يعبد يعني يعبد غيرك كل من يعبد غيرك طيب on va traduire cette partie là. Le cheikh explique, il dit en ce qui concerne le fait que la signification de la foi en Allah, il dit c'est de croire que Allah Azzawajal, c'est lui qui est la seule divinité qui est adorée en vérité et que c'est lui seul qui mérite d'être adoré en dehors de toute autre créature, en dehors de toute autre chose qui existe. Que c'est seulement Allah Azzawajal qui mérite l'adoration et que aucune des créatures d'Allah ne mérite d'être adorée. C'est seulement Allah Azzawajal, le créateur, lui seul qui mérite l'adoration. Et il dit donc qu'il faut purifier toutes les formes d'adoration qu'on peut faire pour Allah seul et pour lui uniquement et exclusivement, sans aucun associé ni partenaire, et de nier l'adoration qui est offerte à toute chose ou à tout objet ou à toute personne ou à toute créature en dehors d'Allah Azzawajal, et d'aimer les gens qui ont purifié leur adoration pour Allah seul et de les prendre pour alliés, donc d'aimer les gens du tawhid et de détester les gens qui font le shirk et de prendre les gens qui font le shirk en ennemis ou en animosité. Ça, c'est une composante et un élément fondamental de la foi. Donc, yani, le cheikh explique, il dit, si quelqu'un pose la question et si quelqu'un dit, si j'adore Allah seul et que j'ai renié le taghut, pourquoi ou comment Allah Azzawajal m'ordonne par la suite ou m'impose par la suite de détester les gens du shirk et de les prendre en ennemis? La réponse à cette question, le cheikh, il dit, c'est-à-dire que le fait de détester les gens qui font le shirk et de les prendre pour ennemis et de les prendre en animosité, et c'est une obligation pour le musulman du fait que ils font du shirk avec Allah Azzawajal, et d'aimer les gens du tawhid et de les prendre pour alliés, c'est une obligation. Et il mentionne comme preuve à ce sujet-là un verset qui est le verset 22 dans Sourate Al-Mujadala, dans lequel Allah Azzawajal dit: Tu ne trouveras pas un peuple qui croit en Allah et au jour dernier et qui aime ceux qui s'opposent à Allah et à son messager. Même s'ils sont leur père, leur fils, leur frère ou leur famille, ceux-là, Allah a prescrit pour eux la foi. Il a écrit pour eux dans leur cœur la foi. Donc ce verset, eh bien, il est explicite et clair sur le fait que le croyant ne peut pas aimer ceux qui font le shirk avec Allah. Et il ne peut pas non plus les prendre en alliés, excepté s'il a une foi faible, ou bien s'il a une très faible part, une part très faible de foi. Et il dit, en ce qui concerne les gens de la foi réelle, qui ont réellement la foi, eh bien ceux-là, ils détestent les gens du shirk. Et ils prennent les gens qui font le shirk en ennemis. Et c'est ça la religion d'Abraham. C'est ça la religion d'Abraham. Et on a souvent lu, justement, par rapport à ça, et on l'a lu même dans les cours précédents, le verset 4 dans Sourate Al-Mumtahana, justement à ce sujet-là, et justement on va le citer par la suite. C'est le verset dans lequel Allah Azzawajal, il dit, il y avait certes pour vous, en l'exemple d'Abraham, un exemple à suivre, lorsqu'ils dirent à leur peuple, nous nous désavouons de vous et de ce que vous adorez en dehors d'Allah, nous vous renions, et entre vous et nous, une animosité et une haine s'est installé jusqu'à ce que vous acceptiez de croire en Allah seul. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est la voie d'Abraham, c'est la religion d'Abraham, c'est-à-dire de renier et de détester les mouchriquines, même si c'est notre propre famille, même si c'est nos proches, même si c'est notre tribu ou des gens de notre famille, du moment qu'ils sont des mouchriquines. Et le cheikh explique ensuite et il dit, celui qui s'écarte de la voie d'Abraham et qui préfère autre que la religion d'Abraham, eh bien, il a établi contre lui-même que c'est une personne qui est faible d'esprit, comme Allah Azzawajal le dit dans le verset 130 dans Sourate Al-Baqarah, lorsqu'il mentionne justement, et qui préfère autre chose que la voix d'Abraham, excepté celui qui a prouvé qu'il est un faible d'esprit. Et nous l'avons certes choisi dans ce bas monde, et dans l'au-delà, il est certes parmi les gens de la vertu et les gens de bien. Et le cheikh, il met ici une doua par la suite, et il dit: Ô Allah, fais que nous soyons parmi ceux que tu as choisis, et fais que nous soyons parmi ceux que tu as choisis parmi ceux qui ont la foi en toi et qui t'aiment, et qui détestent tout ce qui est adoré en dehors de toi, et qui détestent tous ceux qui adorent autre que toi. Donc c'est une belle invocation ici que le cheikh a mentionnée. Ensuite il dit: wa qawlu al-musannif yarhamuhullah وهذه ملة إبراهيم التي سفه نفسه من رغب عنها وهذه هي الأسوة التي أخبر بها في قوله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده وهذه الآية دليل على معاداة ومصارمة المشركين والكافرين ذلك لأن الله عز وجل هو الذي خلقنا وخلق الكون كله بما فيه من عوالم علوية وسفلية فهو الذي خلق الخلق ورزقهم وهو الذي أحياهم ويسر لهم الرزق وأمرهم بعبادته وحده فمن عبد سواه وآمن بغيره فإنه قد سفه نفسه أيحق عند العقلاء أن الله هو يخلق ويرزق وهو يحيي ويميت وهو الذي كلف العباد بعبادته وحده دون سواه أيصح عند العقلاء أن يكون هو الذي يخلق ويرزق ويعبد غيره من لم يخلق فيك ولا في غيرك مثقال ذرة ولا يملك شيئا قال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير وقال سبحانه وتعالى في سورة فاطر بعدما ذكر شيئا من ملكه في الكون ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير وقال ثم قال تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز فقد أخبر جل من قائل سبحانه بأن المدعوين من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ونفى الشراكة المتوهمة وما لهم فيهما من شرك ونفى المعاونة والمظاهرة وما له منهم من ظهير وأخبر في سورة فاطر أن المدعوين من دونه ما يملكون من قطمير والقطمير هو الغشاء أو القشرة البيضاء تكون على النواة وأن الملك كله لله وأن ملوك الدنيا والملاك ما ملكوا كلهم عبيد والملاك وما ملكوا كلهم عبيد مملوكون لله ونفى كون المدعوين يسمعون ونفى استجابتهم ولو سمعوا يعني لو كان المدعو حيا فدعوته ليفرج عنك كربا من الكروب التي لا يقدر عليها إلا الله فإنه لا يستطيع الاستجابة لك وأن هؤلاء المدعوين من دون الله سوف يكفرون أي سينكرون ويجحدون من أشركهم مع الله ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. هذه كلها توطئة وبيان أن الله هو المستحق للعبادة وحده دون من سواه. ولهذا جاء في الحديث إن الله أمر يحيى بن زكريا عليه السلام بخمس أن يبلغها بني إسرائيل وأنه أبطأ. قال له عيسى بن مريم عليه السلام إما أن تبلغهم وإما أن أبلغهم. فقال يحيى donc on va je vais m'arrêter ici, je vais juste traduire ce qu'on a lu et puis on continue tout de suite après la suite. Ici le cheikh il explique que l'auteur rahimahullah il mentionne donc le verset à propos de Ibrahim alayhi salam et de ceux qui étaient avec lui parmi les croyants et du fait que l'attitude qu'il a eue envers son peuple en se désavouant d'eux et de ce qu'ils adorent en dehors d'Allah et de déclarer la haine et l'animosité envers eux jusqu'à ce qu'ils croient en Allah seul, que ça c'est yani une attitude louable et que celui qui se détourne de cette voie-là, il s'est en réalité yani établi contre lui-même que il est faible d'esprit. Et la preuve du fait qu'il faut avoir de l'animosité envers les mouchriquines et les kafirines à cause du shirk, à cause du kofre qu'ils font, eh bien, c'est que Allah Azza wa Jal, c'est lui qui a créé la création. Tout ce qui existe, c'est Allah qui l'a créé lui seul. Que ce soit les mondes qui sont au-dessus de nous, dans les cieux et les astres et tout ce qui existe dans l'univers, et ce qui est en dessous de nous, en dessous de la terre, en dessous de l'océan, tout ce qui existe sans exception, c'est la création d'Allah Azza wa Jal. Et c'est lui qui a donné à chaque créature sa subsistance et ce dont il a besoin pour pouvoir vivre. Et donc c'est lui qui les fait vivre et c'est lui qui leur facilite la subsistance et c'est lui qui leur a ordonné qu'ils l'adorent lui seul et qu'ils s'écartent de tout ce qui est adoré en dehors de lui. Donc si quelqu'un, après tout ça, adore quelque chose en dehors d'Allah Azza wa Jal et croit en autre que lui, eh bien, il a établi sans aucun doute qu'il est une personne qui est faible d'esprit. Et donc, est-ce que une personne qui est intelligente, elle peut, après avoir su que Allah Azza wa Jal, c'est lui qui a tout créé, que c'est lui qui donne la subsistance, que c'est lui qui fait vivre et qui fait mourir, est-ce que après ça, elle peut se permettre d'adorer autre que Allah Azza wa Jal, alors qu'elle sait que c'est Allah Azza wa Jal qui a ordonné à ses créatures de lui vouer une adoration exclusive et de rejeter tout ce qui est adoré en dehors de lui. Est-ce qu'une personne intelligente peut accepter, après avoir établi que c'est Allah qui a tout créé, qui donne la subsistance, est-ce qu'elle peut accepter qu'on adore autre que Allah Azza wa Jal? Parmi les créatures qui ne peuvent rien créer et qui n'ont rien créé en toi, ni en autre que toi, même pas le poids d'un atome, ils n'ont rien créé dans l'univers, même pas le poids d'un atome, et ils ne détiennent le pouvoir sur rien du tout. Donc comment est-ce qu'on peut accepter ou tolérer que ces créatures-là soient adorées en dehors d'Allah Azza wa Jal si on est intelligent? Et donc le cheikh il explique et il dit que Allah Azza wa Jal, il dit dans le verset 22 dans Surat Saba, ce qui signifie « Dis au Muhammad, au mushrikin, invoquez ceux que vous prétendez, ceux en qui vous prétendez croire en dehors d'Allah. Est-ce qu'ils détiennent, il dit, ils ne détiennent même pas le poids d'un atome dans les cieux, ni sur la terre. Et ils n'ont même pas une part de partenariat avec Allah Azza wa Jal. Ils ne détiennent aucune portion de ce qui est dans les cieux et sur la terre. Et ils ne sont pas non plus des supports ou de l'aide pour Allah Azza wa Jal. Parce que Allah n'a pas besoin d'aide de quiconque. Il se suffit à lui-même. Donc il n'y a personne qui a rien créé avec Allah. Et il n'est pas partenaire, Allah n'a pas de partenaire dans sa création, et il n'a pas non plus de support ou d'aide dans sa création non plus. Donc ça, c'est ce qui est établi par ce verset-là, le verset 22 dans Surat un sabbat. Et ces trois choses-là sont les choses sur lesquelles se basent souvent les mouchrikines pour essayer de justifier leur shirk. Donc ces trois choses-là sont niées par ce verset. Et dans le verset 13 et 14 dans Sourate Fatir, Allah Azza wa Jal, il établit, après avoir clarifié que c'est lui qui a le pouvoir sur toutes choses et qu'il est le maître de tout dans l'univers, il dit, voilà votre Seigneur, c'est à lui qu'appartient le royaume, et tout ce que vous invoquez, hein, tout ce que vous invoquez en dehors de lui, ne possède même pas, yani, la pellicule sur le noyau d'une datte. Hein. C'est-à-dire, en arabe, on l'appelle qitmir, et le cheikh, il l'explique plus tard que c'est la petite pellicule qu'on retrouve lorsqu'on ouvre une datte. Il y a une petite peau, hein, une petite peau très très mince, presque transparente, qui couvre le noyau de la datte. Eh bien, Allah Azza wa Jal, il dit ici dans le verset que ceux que vous adorez en dehors d'Allah parmi les idoles, hein, ceux que les mouchrikines adorent en dehors d'Allah, ils ne possèdent même pas le pouvoir sur cette pellicule qui est sur le noyau de la datte. Donc, s'ils ne possèdent pas ça, ils possèdent encore moins d'autres choses dans l'univers ou dans les créations, dans la création d'Allah. Hein? S'ils ne peuvent pas contrôler ou posséder une créature ou une création si petite et si infime, alors comment pourrait-il avoir le pouvoir sur quelque chose de plus grand dans la création? Et ensuite, il dit, yani, si vous les invoquez, c'est-à-dire si vous invoquez ceux que vous adorez en dehors d'Allah, ils ne pourront pas vous entendre. Ils ne pourront pas entendre votre invocation. Et même si ils pouvaient entendre votre invocation, ils ne pourraient pas vous exaucer ou vous répondre. Et au jour de la résurrection, ils vont renier le shirk que vous faisiez avec eux. Et personne ne peut vous informer mieux que celui qui est parfaitement informé, c'est-à-dire Allah Azzawajal. Et ensuite, il dit, à la suite de ces versets-là, dans les versets 15 à 17, dans la même sourate Fatir, il dit, ô vous les hommes, vous êtes les pauvres, hein, pour Allah. Et Allah est le riche, digne de louange. C'est-à-dire, vous êtes les pauvres dans le sens que vous êtes ceux qui avaient un besoin d'Allah Azzawajal. Tandis que Allah, lui, il se suffit à lui-même et il est digne de louange. Si il veut vous faire disparaître, il peut vous faire disparaître et ramener une nouvelle créature, une nouvelle création. Et cela n'est pas du tout, hein, difficile pour Allah Azzawajal. Et il nous informe donc dans ces versets que tous ceux qui invoquent des choses en dehors d'Allah ne détiennent même pas le pouvoir sur un atome dans les cieux et sur la terre. Donc il a renié le partenariat qui pourrait exister, hein, la prétendue association qui existerait avec ceux que les mouchrikines adorent en dehors d'Allah. Hein. Et il dit, et ils ne détiennent aucune part dans la création. Et il a nié ensuite également d'avoir un aide ou un support en disant, وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ. Il n'a d'eux aucun support et aucune aide. Et dans Sourate Fatir, il a même établi, comme on l'a lu tout à l'heure, qu'ils ne détiennent même pas la pellicule du noyau d'une datte. Hein? Et il explique ensuite que le royaume tout entier, la création tout entière, appartient à Allah seul. Et que même les rois de la dunya, les rois et les souverains dans ce bas monde, eh bien, ils ne détiennent en réalité rien de ce que Allah possède. Ils sont eux-mêmes des esclaves qui appartiennent à Allah Azzawajal. Donc, Allah Azzawajal a renié, hein, le fait que ce que les mouchrikines invoquent en dehors d'Allah puissent entendre ce qu'ils demandent. Et il a même renié qu'ils puissent leur répondre, même s'ils pouvaient entendre. Hein? C'est-à-dire que même s'ils pouvaient entendre, et même s'ils étaient vivants, hein, ou même si les idoles qu'ils adorent étaient vivantes, eh bien, elles ne pourraient pas les délivrer des malheurs dans lesquels ils sont. et ils n'ont même pas ce pouvoir de le faire, puisque c'est seulement Allah Azza wa Jal qui a ce pouvoir-là, et ils ne peuvent donc pas exaucer les invocations qu'on leur fait. Et ensuite, le cheikh explique que ceux que les mouchriquins adorent en dehors d'Allah, au jour de la résurrection, ils vont renier les invocations et les adorations qui leur étaient portées. Et c'est-à-dire qu'ils vont renier, ils vont renier et rejeter le fait d'avoir été associés avec Allah Azzawajal. Et au jour de la résurrection, ils seront donc des ennemis de ceux qui les adoraient. Allah al-Musta'an. Donc tout ça, c'est une introduction pour clarifier que Allah est le seul qui mérite l'adoration. Et que tout ce qui est adoré en dehors de lui est faux. Et c'est pour ça que le cheikh, il mentionne un hadith. Ensuite, il dit, j'avais commencé à lire le début de ce hadith-là, il dit, فَقَالَ يَحْيَا عَلَيْهِ السَّلَامِ إِنِّي أَخْشَى أَنْ أُبَلِّغَهُمْ أَنْ يُعَذِّبَنِ اللَّهُ إن بلغتهم أن يعذبني الله فجمع بني إسرائيل وبلغهم الخمس وأولها أن يعبدوا الله وحده وأن مثل ذلكم كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله ثم قال اعمل وأدي إلي فجعل عبده يعمل ويؤدي إلى غيره فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك. Donc ici le cheikh il a mentionné un hadith et il dit que Allah Azza wa Jal a ordonné, et ce hadith il est rapporté par At-Tirmidhi selon Al-Harith Al-Ash'ari et il est authentifié par Sheikh Al-Albani dans Sahih At-Targhib wa At-Tarhib. Donc il dit dans ce hadith que Allah Azza wa Jal avait ordonné à Yahya, le fils de Zachariah, le prophète d'Allah, alayhi salam, de transmettre cinq choses au fils d'Israël. Mais il a retardé de le faire. Alors Isa, le fils de Maryam, alayhi salam, Jésus, il a dit, soit tu leur transmets, ou soit moi je vais leur transmettre. Alors Yahya a dit, alayhi salam, si tu leur transmets, je crains que Allah me châtie. Alors, il a rassemblé les fils d'Israël et il leur a transmis les cinq choses qu'il devait leur transmettre. Et la première des cinq choses qu'il devait leur transmettre, c'est que ils doivent adorer Allah lui seul. Et il a donné un exemple pour faire comprendre par la suite la signification du tawhid et l'exemple du shirk. Il a dit, l'exemple du fait qu'on demande d'adorer Allah seul, c'est comme l'exemple d'un homme qui a acheté un esclave avec ses biens. Puis, il a dit à cet esclave, travaille pour moi et rends-moi l'argent. Alors, l'esclave s'en va pour travailler. Et quand il a fini de travailler, l'argent qu'il a gagné, il s'en va la donner à quelqu'un d'autre que son maître. Alors, il dit dans ce hadith, il pose la question, il dit, lequel d'entre vous serait satisfait que son esclave agisse de cette manière? C'est-à-dire que tu as un esclave qui travaille pour toi, au lieu de te donner l'argent qu'il a fait à toi, il la donne à quelqu'un d'autre. Eh bien, celui qui fait ça, c'est comparable à celui à qui Allah Azzawajal a ordonné qu'il l'adore lui seul. Et lui, il s'est, au lieu d'adorer Allah seul, eh bien, il est allé offrir l'adoration à autre que Allah Azza wa Jal. Donc ça, c'est clair que c'est de l'égarement. Nasallallahu al-afiyah. C'est de l'injustice aussi. Ensuite, le cheikh, il dit, « Wa ma'na at-taghut. At-taghut, fi al-lugha, mushtaqqun min at-tughyan, wa huwa mujawazatu al-hadd wa mujawazatu al-haqq ila al-batil wa mujawazatu al-iman ila al-kufr wa ma ashbaha dhalik wa kullu taghut fa huwa kafir bila shak. » Il dit, le cheikh, il dit que le taghut dans la langue arabe, il est dérivé du mot tughyan, qui veut dire la transgression, de dépasser la limite. Et c'est-à-dire de transgresser la vérité vers le faux et de dépasser la foi vers la mécréance et des choses de ce genre. Et donc, tout en route est un kafir sans aucun doute. Hein? Mais il faut comprendre aussi par rapport à ça quand il dit que tout kafir tout en route est un kafir, est un mécréant sans aucun doute. Il faut comprendre que c'est possible que ce soit un kafir d'un coffre majeur et c'est possible que ce soit un kafir d'un coffre mineur. Et ça, on va l'expliquer. Le cheikh, il dit, « Wattarut, lafzun ou ismun am, fakullu man ubida min dunillah, wa huwa wa radiya bil ibadati min ma'boudin ou matbou'in ou muta'in, fi ghayri ta'atillahi wa rasoulihi, فمن فعل ذلك فهو طاغوت والطواغيت كثيرة ورؤوسهم خمسة. Donc le طاغوت, c'est un terme général qui implique plusieurs significations, plusieurs types de personnes. Parmi donc toute personne qui adorait en dehors d'Allah et qui est satisfait de l'adoration qu'on lui a vouée, eh bien il est donc considéré comme étant un طاغوت. Ou bien quelqu'un qui a été suivi ou obéit dans la désobéissance d'Allah et de son messager, hein, et qui est satisfait de ça. Donc celui qui fait ça, alors c'est un tawarit. Et les tawarit sont de cinq catégories, ou bien plutôt il y en a plusieurs sortes, mais les plus importantes sont cinq sortes. Les têtes des tawarit sont de cinq. Il dit la première, c'est yani, la suivante, il dit al-shaytan ad-da'i ila ibadati ghayrillah wa ad-dalilu qawluhu ta'ala alam a'had ilaykum ya bani adama an la ta'budu ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin wa an i'buduni hadha siratun mustaqim. Donc le premier tawarit, ou la tête, la première tête des tawarit, c'est le shaytan, hein? Parce que c'est lui qui appelle les gens à adorer autre que Allah Azza wa Jal. Et la preuve du fait que le shaitan est un tarot, c'est justement le verset 60 et 61 dans Surat Yassin, dans lesquels Allah Azza wa Jal dit, ce qui signifie, « N'ai-je pas pris avec vous, ô fils d'Adam, l'engagement que vous n'adoriez pas le shaitan? Il est certes pour vous un ennemi évident, et adorez-moi seul. » Voilà le droit chemin. Donc ça veut dire que toute personne qui adore quelque chose en dehors d'Allah, hein, il adore en réalité le shaitan, comme on l'a expliqué au dernier cours. Ensuite, al-thani, al-hakim al-ja'ir, al-mughayyir li-ahkam Allah. Al-mughayyir li-ahkam Allah. والدليل قوله تعالى ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا فسمى الله جل شأنه من يحكم بغير ما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم طاغوتا طاغوتا وهذا أيضا وهذا إذا كان من يحكم بغير ما أنزل الله كافرا جائرا كأن يكون واقعا في الناقد الرابع من نواقد الإسلام أو غيره من النواقد والمكفرات المخرجة من الملة فهذا يسمى طاغوتا بل رأسا من رؤوسهم وأما التابع والطائع لمن حكم بغير ما أنزل الله الذي يحل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله لا يخلو من حالين الحالة الأولى أن يطيعوهم في ذلك مع علمهم بتبديلهم لحكم الله ومخالفتهم للرسل عليهم الصلاة والسلام فيعتقدون مع ذلك تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله اتباعا لرؤوسهم فهذه الحال يعني كفر مخرج من الملة الحالة الثانية أن يطيعوهم في ذلك مع اعتقادهم تحريم ما حرم الله وتحليل ما أحل الله، ولكن طاعتهم كانت عن هوى وعصيان، كما يصنعه كثير من أهل الفسق حينما يؤذن لهم بشرب الخمر فلا يعاقبون عليه، وحينما يؤذن لهم بأكل الربا أضعافا مضاعفة كذلك فيشربون الخمر رغبة في المتعة ويأكلون الربا طمعا في المال الذي طمعا في المال مع اعترافهم بذنوبهم، كما هو حال كثير من المسلمين في هذا الوقت. فهؤلاء حكمهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب والمعاصي. وهذا القسم من الشرك، شرك الطاعة الذي تقدم معنا، ربما يقع من العالم الذي لم ينفعه علمه فيتبع هواه فيطيع غيره من حاكم أو وال في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله طمعا في جاه أو متاع أو سلطان ورئاسة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: متى ترك العالم ما علمه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واتبع حكم الحاكم المخالف لحكم الله ورسوله كان مرتدا كافرا يستحق العقوبة في الدنيا والآخرة. قال تعالى: ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ولو ضرب وحبس وأوذي بأنواع الأذى ليدع ما علمه من شرع الله ورسوله الذي يجب اتباعه واتبع حكم غيره كان مستحقا لعذاب الله، بل عليه أن يصبر وإن أوذي في الله. فهذه سنة الله في الأنبياء وأتباعهم. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، إلى آخر ما قال، انتهى من مجموع الفتاوى المجلد 35. نعم، donc ici on va expliquer le point que le cheikh a mentionné. Il dit par exemple la personne qui juge et qui est injuste, le juge qui est injuste et qui change les règles d'Allah, ou le dirigeant qui est injuste et qui change les règles d'Allah. Et la preuve du fait que celui-là est un tarout, c'est ce qui est mentionné dans le verset 60 dans Sourate An-Nisa, dans lequel Allah Azza wa Jal dit: n'as-tu pas vu ceux qui prétendent croire en ce qui a été révélé sur toi, ô Muhammad, et ce qui a été révélé avant toi? Ils veulent prendre pour juge le tarout, alors que c'est en lui qu'on leur avait ordonné de ne pas croire. C'est en lui qu'on leur avait ordonné de renier. Qu'on avait ordonné de renier. Et le shaitan veut les égarer d'un égarement lointain. Et donc, il a appelé ici le Allah Azza wa Jal, il a appelé ici le fait de juger par autre que ce que Allah a révélé sur son messager, et que celui qui juge par autre que ce que Allah a révélé sur son messager, il l'a appelé un tarout dans ce verset. Il y a le verset 60 dans Surat An-Nisa. Et il dit, donc, ça c'est bien entendu lorsque celui qui juge par autre que ce que Allah a révélé est un kafir injuste. Et une note de bas de page intéressante ici, on va la lire, le cheikh il dit: wa amma in kana man yahkum bighayri ma anzala Allah zaliman aw fasiqan fa hada la yakun ra'san min ru'us at-tawaghit wa la taghutan li'an kull taghut fa huwa kafir wa takfiru man hakama bighayri ma anzala Allah la budda fihi min istifa' ash-shurut وانتفاء الموانع التي جاء بها الشرع المطهر، فإن الحاكم بغير ما أنزل الله قد يكون كافرا أو عاصيا ظالما أو فاسقا، والظلم والفسق مراتب، ودركات بحسب مفسدته العامة أو الخاصة أو كلا المفسدتين وأثرهما. وإما أن يكون الحاكم مخطئا مأجورا فليتنبه لذلك، يعني راجع نعم. Donc ici le cheikh il explique dans le, la note de bas de page il y a un point important ici qui explique que celui par exemple qui juge par autre que ce que Allah a révélé, c'est possible, il dit, si c'est dans le cas que c'est un injuste ou un pécheur, un pervers, alors dans ce cas-là, il ne fait pas partie des têtes des tawarit, puisque il dit que le tawarit, yani, c'est uniquement celui qui est kafir. Donc celui qui juge par autre que ce que Allah a révélé, eh bien, il faut premièrement avoir établi que les preuves sont présentes chez lui pour pouvoir établir sa mécréance, et avoir également vérifié que les empêchements ont été enlevés, dans le sens qu'on a vérifié que les empêchements du takfir soient ne soient pas présents pour qu'on puisse faire le takfir. Les conditions sont présentes et on a éliminé les empêchements. Et ça c'est bien entendu bien connu des savants de l'islam. Et le cheikh, il dit que la personne qui juge par autre que la loi d'Allah, c'est possible qu'il soit mécréant, mais c'est aussi possible qu'il soit un pécheur, un injuste, et que ce qu'il fait soit un péché et une injustice. Et on sait que les péchés et que l'injustice sont des différents degrés selon le méfait, s'y rattache, que ce soit un méfait général ou un méfait spécifique. Ça, on l'a déjà expliqué. Et aussi, il y a une autre possibilité, c'est que le dirigeant, il ne soit ni mécréant, ni pécheur, mais qu'il soit celui qui a commis une erreur dans son jugement. Et dans ce cas-là, s'il a commis une erreur, non seulement il n'est pas un pécheur ni un mécréant, mais en plus, il est récompensé pour ça, puisqu'il a fait un ijtihad. Et il s'est trompé, il est récompensé pour ça, parce qu'il a fait l'effort pour juger. Donc ça c'est un point important. Et aussi il faut comprendre par rapport à ça que les ulama de l'islam, lorsqu'ils parlent de la question de celui qui juge par autre que... lorsqu'ils parlent de la personne qui juge par autre que la loi d'Allah... Et il divise ce sujet-là souvent en quatre catégories, c'est-à-dire celui qui prétend que la loi d'autre que Allah, la loi qui contredit la loi d'Allah, il pense que c'est meilleur que la loi d'Allah. Donc s'il croit que c'est meilleur que la loi d'Allah, c'est dans ce cas-là, oui, ça c'est kufr, un kufr majeur qui fait sortir de l'islam. Et s'il dit, je crois que la loi qui est autre que la loi d'Allah, elle est non pas supérieure à la loi d'Allah, mais équivalente, que c'est la même chose. Alors, à ce moment-là, encore une fois, les ulama ont dit que celui-là, il est dans le kufr, et que c'est un kufr majeur. Ensuite, ils ont dit, si la personne, elle dit, je ne crois pas que la loi qui contredit la loi d'Allah est équivalente, ni meilleur, mais je dis que c'est halal de juger par autre que la loi d'Allah, et ça, à ce moment-là, encore une fois, c'est kufr, parce qu'il rend halal ce qui est haram, et ça c'est ça c'est kufr majeur, encore une fois, qui fait sortir de l'islam. Et la catégorie numéro 4, c'est la catégorie de ceux qui jugent par autre que la loi d'Allah, toutefois ils considèrent que cela est haram. Et ils savent que le jugement par la loi d'Allah est obligatoire, supérieur et meilleur. Toutefois, ils suivent leur passion et ils font un jugement qui est contraire à la loi d'Allah par passion, par désir de la dunya, quelque chose de la dunya ou des choses de ce genre. À ce moment-là, c'est un kufr mineur qui ne fait pas sortir de l'islam. D'accord? Donc ça, c'est les catégories. Et comme ici, le cheikh, lui, il dit que on peut pas dire de celui qui n'est pas kafir qu'il est un tarot, Ça, c'est une opinion parmi les opinions des ulama. Toutefois, il y a d'autres ulama qui ont mentionné que le terme tarot peut aussi être appliqué à celui qui est un pécheur, même s'il n'est pas kafir. Alors, à ce moment-là, dans ce cas-là, yani, ça pourrait être également mentionné à propos de celui qui juge par autre que la loi d'Allah, par passion, tout en reconnaissant l'obligation de yani, juger par la loi d'Allah Azza wa Jal. Et ça n'impliquerait pas dans ce cas-là qu'il est kafir. Comme on l'a mentionné au dernier cours dans le propos du Cheikh Abdelaziz Al-Rajihi dans son livre yani, Taqyid al-Shawarid min al-Qawa'id wal-Fawa'id, à la page 79, lorsqu'il parle du Tarot, il dit à Tarot, ma tajawaza bihi al-'abd haddahu. وقد يكون كافرا وقد يكون عاصيا فهو قسمان كفر كافر وعاص. Donc il dit que le tarot c'est tout ce par quoi le serviteur a dépassé sa limite et il peut être un kafir et il peut être un pécheur. Donc c'est de deux catégories, soit kafir ou soit pécheur. Et le cheikh également Abdelaziz Ibn Baz rahimahullah, il a parlé de ce point-là également. Et il a clarifié justement à ce sujet-là que quelqu'un pouvait avoir cette caractéristique sans nécessairement être un kafir. Il dit, et même Cheikh Ibn Uthaymin aussi, il a parlé de ça. Donc Cheikh Ibn Uthaymin, quand il clarifie par exemple une parole de il dit wa ulama as-su alladhina yad'una ila ad-dalal wal-kufr aw yad'una ila al-bid'a aw ila tahlil ma harrama Allah aw tahrim ma ahalla Allah tawaghit. Donc ça c'est dans son livre al-usul al-thalatha. Il explique que les ulama, les mauvais savants qui invitent les gens à l'égarement et au kufr, ou bien qui appellent à des bid'a, hein, ou bien qui... Pardon. Désolé. C'est pour dire que le temps est terminé. Donc ici, les ulama, les mauvais ulama, il a dit parmi eux, ceux qui appellent à l'égarement, ceux qui appellent au kufr, ou ceux qui invitent au bid'a. On sait très bien que parmi les gens qui appellent à la bid'a, tout dépend de la bid'a à laquelle il appelle. Hein? Et qu'il y a des bid'a qui peuvent être kufriya, il y a des bid'a qui peuvent être shirkiya, et il y a des bid'a qui peuvent être yani, des péchés qui ne sont pas nécessairement quelque chose qui fait sortir de l'islam. D'accord? Donc c'est pour dire qu'il les a qualifiés de tarot aussi. Et il mentionne également... On mentionne également des exemples à ce sujet-là de catégories de personnes qui sont qualifiées comme étant des tarout, mais qui ne sont pas nécessairement des kuffars. Donc ça, c'est important de le mentionner pour comprendre que il se peut qu'une personne soit qualifiée de tarout sans nécessairement être kafir. Et l'exemple de ça, c'est comme par exemple quelqu'un qui ordonne par exemple à quelqu'un de faire un péché ou à désobéir à Allah Azza wa Jal. À ce moment-là, il y a des différences dans le jugement qui peut s'appliquer à cette personne-là, hein, selon son état. Et donc on va expliquer ça ici. Le cheikh il dit que Allah Azza wa Jal, donc il a appelé la personne qui juge par autre que Allah, kafir, si c'est un kafir, yani d'un kufr majeur. Mais si c'est un kufr mineur, on a expliqué qu'il y a une exception dans ce cas-là. Et après, il dit, donc ça c'est dans les cas de la personne qui quand est-ce qu'il est qualifié comme étant un tarout, dans le sens qu'il sort de l'islam, c'est lorsqu'il a fait quelque chose qui rentre dans les annulatifs de l'islam, comme l'annulatif qui est l'annulatif numéro 4 parmi les annulatifs, et d'autres également parmi les annulatifs de l'islam aussi, et les choses qui font sortir de la religion. Et également, donc on l'appelle, donc ces catégories-là, on les appelle tarout aussi. Et le cheikh, il dit, tandis que la personne qui est suivie ou bien obéie dans le jugement par autre que ce que Allah a révélé et qui rend halal ce que Allah a interdit ou qui interdit ce que Allah a rendu halal, il y a deux possibilités par rapport à cette personne-là. Si elle obéit à une personne qui rend halal ce qui est haram ou qui rend haram ce qui est halal, il y a deux cas ou deux situations possibles. La première, c'est lorsqu'elle obéit à ces personnes-là, tout en ayant la connaissance qu'ils ont changé le jugement d'Allah à propos de ces choses-là. Dans le sens qu'ils savent que cette personne juge parce qu'il contredit ce que Allah a jugé ainsi que ses messagers. Et donc, à ce moment-là, c'est clair que ça c'est du kufr, et que ça fait sortir de la religion parce qu'ils le font sciemment. Hein? C'est ça. Il continue à ils suivent le jugement de ceux qui leur a ordonné de rendre halal ce qui est haram ou de rendre haram ce qui est halal parce qu'ils suivent leur dirigeant ou leur savant dans le faux. À ce moment-là, s'ils le savent, ça c'est un coffre qui fait sortir de la religion. Toutefois, s'il leur obéit dans le fait de rendre haram ce qui est halal ou dans le fait de rendre halal ce qui est haram mais par exemple par ignorance, à ce moment-là, si c'est par ignorance, ils ne sont pas considérés mécréants parce qu'ils ne savent pas, ou bien si c'est par leur passion, ils savent que c'est haram mais ils suivent leur passion et leur désir, comme c'est le cas de beaucoup de gens aujourd'hui parmi les gens du péché. Quand on leur permet, par exemple, de boire de l'alcool, et qu'on leur dit que s'ils le font, ils sont pas punis, ou quand on leur permet de faire le riba, ils le font, ou bien quand on leur permet des péchés quelconques, yani, ils le font, tout en reconnaissant que ces choses-là sont haram et que c'est des péchés. Il dit ça, c'est le cas de beaucoup de musulmans à notre époque. Et il dit que ceux-là, c'est leur jugement, c'est qu'ils sont des pécheurs, des gens de péché. On ne va pas dire qu'ils sont des mécréants, ou qu'ils sont sortis de la religion. Et donc, ça, c'est une des catégories, parmi les catégories du shirk, qu'on a appelé le shirk dans l'obéissance, dans les points qu'on a mentionnés précédemment, lorsqu'on a expliqué les différentes catégories de shirk. Et il dit que c'est possible que certains tombe dans cette catégorie-là. Même parmi les, parfois certains savants, qui n'ont pas appliqué la science qu'ils ont reçue et qui n'ont pas profité de cette science qu'ils ont reçue de la part d'Allah et qui ont suivi leur passion, et qui obéissent, à d'autres, que Allah et à son messager, que ce soit, un dirigeant ou bien une personne quelconque, yani, qu'ils obéissent dans le fait de rendre halal ce qui est haram ou dans le fait de rendre haram ce qui est halal, en espérant obtenir par rapport à ça un statut important ou un bienfait quelconque ou bien une autorité, une position d'autorité et des choses de ce genre. Et le cheikh, il cite ici une parole de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah à ce sujet-là, dans laquelle il dit, lorsque le savant délaisse ce qu'il a su du livre d'Allah et de la sunna du messager, sallallahu alayhi wa sallam, et suit le jugement qui contredit le jugement d'Allah et de son messager, il dit à ce moment-là, il a apostasié, il est mécréant, et il mérite le châtiment dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et il a cité comme verset, par la suite, le verset 1 à 3 dans Surat al-A'raf, dans lequel Allah Azza wa Jal a dit ce qui signifie Alif Lam Mim Sad, c'est un livre que nous avons révélé sur toi, alors qu'il n'y ait dans ta poitrine aucune gêne à son sujet, pour que tu puisses avertir par celui-ci, et c'est un rappel pour les croyants. Suivez ce qui a été révélé vers vous de la part de votre Seigneur, et ne suivez aucun autre allié en dehors de celui-ci. Il y en a comme il se rappelle peu. Comme peu il se rappelle. Donc ici, dans ces versets, on voit que Allah Azza wa Jal, il nous ordonne de suivre ce qui a été révélé de la part de notre Seigneur et de ne pas suivre rien d'autre en dehors qui vient en contradiction avec ce qu'il a révélé. Et donc, il dit, si un savant ici était par la suite frappé ou enfermé, emprisonné, ou si on lui faisait du tort par la suite, pour qu'il délaisse ce qu'il a su de ce que Allah a révélé ainsi que son messager, on le force, hein, on essaie de lui faire du tort pour qu'il délaisse ce qu'il a reçu de la révélation d'Allah Azza wa Jal, qui est obligatoire pour lui de suivre, et qu'il suit par la suite un jugement autre que ce que Allah a révélé. À ce moment-là, il aurait mérité le châtiment d'Allah. Donc, il doit, dans des situations pareilles, faire preuve de patience et accepter ce qui lui arrive comme traitement ou comme offense pour Allah Azza wa Jal. Hein? Il doit accepter ça comme un test venant d'Allah. Et ça, c'est la sunna d'Allah. C'est la règle d'Allah sur ses prophètes et ceux qui ont suivi les prophètes. Du fait qu'ils sont éprouvés dans leur foi. Et Allah Azza wa Jal, il dit dans le verset 1 à 3 dans Surat al-Ankabut, Alif Lam Mim, est-ce que les gens pensent qu'on va les laisser dire, nous croyons, et qu'ils ne seront pas éprouvés? Nous avons éprouvé, certes, ceux qui étaient avant eux, pour savoir, hein, pour que Allah sache qui est véridique et qui sont les menteurs. Donc ça, c'est dans le volume 35, dans Majmou' al-Fatawa de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, donc à la page 372 et 373, il y a ces détails-là. Nous, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Au prochain cours, on expliquera les autres points, hein, les trois autres points qui restent à expliquer parmi les têtes des Tawarit, et le prochain cours sera notre dernier cours pour expliquer al-wajibat al-mutahattimat al-ma'rifa. Donc on s'arrête ici pour aujourd'hui. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.